Voilà, donc ça nous a permis de remonter, alors raisonnablement, pour avoir une quantité de données suffisante jusqu'en 1970. Donc vous avez la courbe bleue qui montre l'évolution temporelle saisonnière de ces températures. Et puis, la courbe noire ici est une sorte de moyenne sur 12 ans. Et puis, la ligne grasse montre une tendance. Alors, effectivement, ce qu'on peut voir, c'est plusieurs tendances sur ce schéma. Si ça veut bien s'afficher. Ah oui, ça va un peu trop vite. Bon. Donc, d'une part, il faut noter ici un réchauffement des températures minimales. C'est-à-dire qu'on a une variation entre la saison sèche et la saison humide des températures de l'air. Eh bien, en mer, c'est la même chose. Vous voyez que les températures, au début, dans les années 70, varient grosso modo entre 26,5 degrés et un peu moins de 28,5 degrés. Et donc, ces minimums, au cours du temps, remontent à partir de la fin des années 90. Il en est de même pour les températures maximales observées en mer, températures de surface, qui passent d'un petit peu de température supérieure à 28,5 pour arriver maintenant à plus de 29,5 degrés pour les maximums observés. Et donc, en moyenne, on était à 27,5 degrés et maintenant, on est un petit peu plus de 28. Donc, une augmentation moyenne de 0,6 degrés. Voilà, sachant que l'augmentation des extrêmes est un petit peu plus élevée. Donc là aussi, on peut regarder spatialement comment se fait ce réchauffement. Et pour différentes saisons, donc la saison humide en haut, la saison des pluies, et puis la saison sèche ici. Donc on voit que le réchauffement est un peu plus significatif en saison sèche qu'en saison humide, mais qu'il n'est pas homogène. Hein. Donc on est ici sur la côte, et là on est jusqu'à 200 mètres de fond. Alors, on a regardé un petit peu les données qui étaient disponibles en remontant encore plus dans le temps, donc jusqu'au début du siècle. Alors, vraiment, on n'a plus beaucoup de données, donc on a un petit peu moins confiance dans la qualité de notre analyse quand on remonte dans le temps. Mais enfin, par acquis de conscience, on l'a fait quand même pour voir si le réchauffement observé les 10 dernières années était lié à des cycles ou vraiment était significatif à l'échelle du siècle. Donc vous voyez qu'effectivement, on a des périodes à l'échelle du siècle avec des légers réchauffements, puis diminution des températures. Mais finalement, ce qu'on voit, c'est que dans les 10 dernières années, on a les températures les plus chaudes qui ont été observées à l'échelle du siècle, que ce soit en valeur moyenne ou en minimum ou en maximum. Bon, ça, c'est un petit peu la même chose, qui montre que finalement, on est à une augmentation supérieure à 1 degré de la température de la mer en Guyane à l'échelle du siècle.